avant-dernier temps de notre série de documentaires en nouvelle diffusion consacrée à des figures rares et surprenantes du XXe siècle. Lundi et hier mercredi, nous avons dressé le portrait de deux anarchistes fort différents, Germaine Berton et Jules Durand. Demain, le documentaire de Victor Massé de l'Épinay et Anne Fleury sortira de l'oubli la figure roubaisienne de Mamadou Ndiaye. Et aujourd'hui, nous partons au tournant du 19e et du 20e siècle dans l'Empire ottoman. Nathalie Lempereur et Séverine Cassard nous proposent en effet un portrait subtil d'une écrivaine et porte-voix des atrocités que subirent les Arméniens dans ce même Empire ottoman, Zabel Essayant. Elle porta au loin les souffrances des Arméniens rescapés des massacres avant et après le déclenchement du génocide de 1915. Vivre et écrire la catastrophe, c'est le documentaire que nous vous proposons jusqu'à 10h ce matin avec les témoignages et les analyses de Anaïde Termination, Lara Aharonian, Léon Ketcheyan, Raymond Kevorkian et Vahé Tajian. La tête penchée sur le côté, les yeux imprégnés d'une inquiétude obscure et infinie, ce petit enfant farouche et méfiant tenait son regard à terre. Ceux qui l'ont vu ne pourront jamais oublier l'image de ce petit garçon, rendu muet par un chagrin inconsolable. La détresse de l'enfance de toute une nation se lisait dans ses yeux. Zabel Essayant, vivre et écrire la catastrophe. Je la définirais comme une représentante des élites intellectuelles arméniennes, une stambouliote, éduquée, francophone, et qui partage le sort de la population arménienne dans le cadre ottoman. Alors ce sort, c'est pas celui de ces Arméniens qui vivent dans la capitale, qui sont très occidentalisés, mais ce sont ces populations rurales arméniennes qui vivent dans un autre univers, dans un quotidien de harcèlement, une politique de l'État qui vise à les déraciner et à les faire fuir quand il ne s'agit pas carrément de violence de masse. Même avec les critères les plus sévères de l'humanité, on ne peut pas juger ni même s'approcher de ces méfaits auxquels a été soumise une population innocente et sans défense. Mais en même temps, je suis convaincue que l'immensité, l'improbabilité même de ces meurtres sont telles qu'ils resteront impunis. Les années passeront, les animosités et les haines politiques seront oubliées, la nouvelle humanité oubliera le deuil et la misère d'aujourd'hui, mais une chose restera, qui ne pourra être ni guérie, ni oubliée. Et c'est l'agonie prolongée de tout un peuple dans la torture. Lorsque Zabel Essayant écrit ces mots en 1917, elle a été témoin des massacres d'Adana, a échappé miraculeusement à la rafle du 24 avril 1915, a entendu les récits les plus atroces de rescapés du génocide. Portrait d'une femme libre, qui est devenue non seulement l'une des plus grandes romancières de sa génération, mais aussi une porte-parole de son peuple. Elle a participé à ses combats et assisté à nombre de ses tragédies. Massacre amidien, massacre d'Adana, génocide, abandon de la Cilicie par la France. Partout où elle s'est trouvée à travers le monde, elle a œuvré pour alerter les puissances européennes, pour témoigner du sort de ses compatriotes, et pour recueillir des preuves qui permettront d'écrire la catastrophe. À travers sa plume, ont trouvé refuge certains espoirs, la voix des survivants et l'identité d'un peuple désormais contraint de vivre en exil et de se reconstruire. Zabel Essayant, naquit en 1878 à Constantinople, dans le quartier de Scutari, où elle va fréquenter l'école de la Sainte-Croix, dans une famille complètement atypique à l'époque, et je crois même qu'elle le serait encore aujourd'hui. Léon Ketcheyan. Le père d'Isabelle Yessayan encourage sa fille à faire des études. Ce qui, dans ce contexte particulièrement machiste, où l'ère du harem n'est pas encore révolue, il l'abonne à des quotidiens importants de son temps. Et si vous voulez réellement avoir une idée de la pensée politique du père, ça se résume en un seul mot. Bon, il a plusieurs enfants, et l'une des sœurs d'Isabelle Yessayan est surnommée en turc Batı, ce qui veut dire Occident. Cet hiver-là, j'avais donc 4 ans, j'appris à lire. Le soir venu, mon père rentrait à la maison, se lavait, se changeait, passait sa pelisse de zibeline et s'asseyait sur un divan bas devant un brasero de cuivre. Au-dessus des braises, sur un trépied, il mettait l'eau pour le thé. En attendant que l'eau bouille, il ouvrait son journal, La Révelque. Pendant qu'il lisait, moi je m'asseyais sur ses genoux et il me couvrait des pans de sa pelisse. Dans ce nid douillet, je passais de longs moments exquis en suivant les lettres des yeux. Parfois, j'en désignais une du doigt. Je lui demandais ce que c'était, et il interrompait sa lecture pour me répondre. Il arrivait que ma mère ou une de mes tantes intervienne. « Laisse donc ton père tranquille quand il lit !» Mais d'un signe de la main, il indiquait que je ne le gênais pas, me serrait encore plus contre lui, et avec beaucoup de patience, satisfaisait ma curiosité. Ce qu'il y a un peu d'exceptionnel dans la formation d'Isabelle Yessayan, c'est le fait que son père, capable de reconnaître le talent de cette adolescente, la laisse partir à Paris en 1895, elle a juste 17 ans, pour faire des études littéraires en France pour entrer à la Sorbonne. Anaïde, termination. Mais il faut dire aussi que 94-96, c'est une période dramatique déjà, que Isabelle va vivre de loin, qui est la période des massacres amidiens au cours desquels quelques 300 000 Arméniens sont massacrés en Asie mineure, voire même jusqu'à dans les rues de Constantinople, après des événements particulièrement dramatiques. L'historiographie officielle a tendance à présenter les massacres de 1895 comme un phénomène lié aux interférences internationales, aux grands jeux des grandes puissances. Raymond Kevorkian. Dans les faits, il s'agit d'un problème purement intérieur de l'Empire ottoman. Il y a manifestement une stratégie du sultan Abdulhamid qui vise à réduire la présence arménienne dans le cadre ottoman et en particulier dans les provinces orientales. Il y a une crainte des élites ottomanes, du sultan, de voir les Arméniens acquérir au minimum une autonomie, voire plus. L'objectif n'est pas de détruire l'ensemble de la population arménienne, dont l'Empire a besoin, notamment en termes socio-économiques, mais de réduire leur capacité, de réduire leur présence démographique. Et la constitution de régiments hamidiers, donc de chefs tribaux kurdes, qui sont recrutés, armés, sous l'autorité directe du sultan, vise précisément à organiser un contre-feu et à pratiquer un harcèlement au quotidien de ces populations arméniennes. Et à l'heure des massacres hamidiens, elle obtient une bourse attribuée par un grand journal arménien pour faire des études de français en Sorbonne. À Paris, elle entre en contact avec des amis qui lui seront extrêmement chers. Elle entre dans le milieu des symbolistes français. Elle commence même à écrire, ou elle s'essaye à écrire en français. Et puis, à Paris, elle a une grande aventure amoureuse. Elle s'appelle Hovhannessian, de son nom de jeune fille. Mais elle rencontre son futur mari, Yessayan, qui est un jeune sculpteur qui veut abandonner la sculpture pour la peinture, qui est un personnage fondamental dans la vie d'Isabelle, bien que ce soit un couple souvent désuni par la force des circonstances, avec lequel elle a une petite fille, Sophie, qui jouera évidemment aussi un rôle important dans sa vie. Et ce couple s'essaye à entrer dans le monde de l'art. Isabelle va expérimenter différentes formes d'écriture, donc en français et surtout en arménien, où elle envoie des articles périodiquement à la presse arménienne de Constantinople et de Smyrne, là dans un journal qui s'appelle La Révélien de Mamoul, qui veut dire presse orientale. Et là, toute une série d'articles extrêmement intéressants. Elle s'inscrit dans l'opposition ottomane, qui n'est pas qu'arménienne, bien évidemment. Les jeunes turcs des Macédoniens, des Bulgares, qui s'établissent en Europe, qui publient des journaux d'opposition, hostiles donc à la politique du sultan, et qui militent pour une démocratisation du pays. Et elle a dû évidemment fréquenter ces milieux quand elle se trouvait à Paris avec son époux Dikran avant la révolution constitutionnelle de juillet 1908. Donc effectivement, au lendemain de la révolution jeune turque, en 1908, elle revient à Constantinople, seule, son mari reste à Paris, et elle intègre le comité de rédaction d'un journal politique, puisque c'est le journal du parti Tashnak, La Fédération révolutionnaire arménienne. Donc elle entre dans ce milieu, mais ces révolutionnaires arméniens, le parti que vous venez de citer, la Fédération révolutionnaire arménienne, vient d'être admise dans la Seconde Internationale en 1907. Donc il y a là des liens extrêmement serrés entre les Tashnak, comme on dit familièrement, et les socialistes français. Mais ce parti vient de passer des accords avec le mouvement Jeune Turc en France. Car le fondateur du mouvement Jeune Turc, Ahmed Riza, réside en France, à Paris. Donc quand Zabel arrive, c'est l'euphorie. Mais les gens qui ont pris le pouvoir à Constantinople ou à Istanbul ne sont pas ceux avec lesquels les Tashnak ont traité à Paris. Ce sont au contraire des militaires ou des hommes, des jeunes Turcs macédoniens, c'est-à-dire balkaniques, qui luttent contre les mouvements d'émancipation dans les Balkans et qui ont un tout autre esprit, un esprit nationaliste, et ces jeunes Turcs ont un objectif, c'est de sauver l'Empire ottoman, et donc plus tard de transférer l'État turc, mais qui n'existe pas encore, on est dans l'Empire ottoman, dans l'Asie mineure, en Anatolie. On ne peut pas aller plus loin, parce qu'au sud de l'Anatolie, ce sont les pays arabes. En milieu arménien, Raymond Kevorkian, l'espoir majeur était de voir l'Empire se laïciser, pour en fait ouvrir un espace politique à ces groupes dominés pendant des siècles, mais c'était un peu un jeu de dupes auquel ont adhéré les élites arméniennes, en tout cas au moins jusqu'au mois d'avril 1909, c'est-à-dire les massacres de Cilicie, dans une province éloignée, proche de la mer, en plein développement industriel, où les Arméniens ont pris toute leur part. Donc, Zabel découvre cette réalité quand elle est envoyée sur place au mois de mai 1909 pour mettre en place des secours pour les rescapés de ces violences en Cilicie. Sous un soleil magnanime et aveuglant, s'étend la ville détruite comme un cimetière à perte de vue. Partout des ruines. Rien n'a été épargné. Les églises, les écoles et les habitations ont toutes été réduites en amas de pierres brûlées et informes, parmi lesquelles apparaissent ici ou là des squelettes d'édifices. Une foule de veuves, d'orphelins et de vieillards, vêtus de haillons couverts de sang et de larmes, se présente à nous. C'est ce qui restait de la population d'Adana. Adana, c'est une grande ville qui se trouve au sud-est de la Turquie aujourd'hui, à proximité de la frontière syrienne. Elle a un fort peuplement arménien. Léon Ketcheyan. Et il y a beaucoup d'Arméniens d'Adana qui ne sont pas arménophones. Ils parlent le turc, ils s'habillent à la turque, ils sont comme tout le monde. Ils sont chrétiens. Et ça, on ne le leur pardonnera pas. Alors, il y a une première vague de massacres que l'on impute à la politique du sultan et à sa contre-révolution avortée. Les jeunes turcs reprennent très vite le contrôle de la situation et ils envoient l'armée. Et au lieu de rétablir l'ordre, les massacres reprennent de plus belle dans le cadre d'une deuxième vague impulsée par les jeunes turcs. Comme dans les massacres de 95, on ne s'est pas contenté d'assassiner ou de blesser. On possède des collections de photos innombrables. Le quartier arménien est totalement détruit. Les pompiers qui ont été appelés pour éteindre les incendies avaient dans leurs citernes non pas de l'eau mais du kérosène. Donc il y a une planification municipale qui ne laisse aucun doute sur les ordres venus d'en haut. Il y a quand même 30 000 morts. Il y a 30 000 morts et le patriarcat arménienne de Constantinople, décide d'envoyer une délégation pour faire un état des lieux. Alors il y a un pasteur protestant, il y a deux jeunes femmes qui se sont connues autrefois à Paris et qui écriront toutes deux leurs souvenirs de cette expérience cruelle. L'autre s'appelle Achagoui Théotique, elle a écrit un ouvrage qui s'appelle « Deux mois en Cilicie ». Et Zabélie Saillant va écrire un ouvrage intitulé « Dans les ruines ». Et ces deux jeunes femmes sont envoyées sur le terrain, en principe avec comme objectif d'aller s'occuper des orphelins, qui sont légions, de les recueillir, de veiller soit à la création d'orphelinats, soit à l'intégration de ces enfants dans un milieu arménien. Elle arrive dans l'immédiat après urgence. Et comme à partir de l'automne, un nouveau vali est nommé, et ce vali, c'est le fameux Djemal Pacha, qu'elle connaît très bien. Djemal Pacha, oui, qui va être une des têtes pensantes, si je puis dire, du génocide par la suite. Oui. Oui. Là, il arrive comme un représentant des milieux libéraux, éclairés, francophones parfaits, proches des milieux arméniens. Et toujours est-il qu'il met en place une politique qui est directement inspirée de l'idéologie jeune turque, et en particulier de leur darwinisme social. Et il essaye d'imposer la création donc d'orphelinats turcs, où les enfants vont être éduqués à la turque. Et là, il y a un clair blocage, et Zabel est à la pointe du combat. Elle était en constant combat avec les autorités locales à Adana. Lara Aharonian. Donc même durant ce temps-là, elle était en correspondance avec son mari, et elle lui expliquait qu'elle ne se sentait pas en sécurité parce qu'elle affrontait les autorités locales. Et après 3 mois, elle s'est un peu enfuie de la région à cause de ces pressions-là contre elle. Cher Tigrane, je n'ai vraiment pas le temps, mais je t'envoie néanmoins ce petit mot parce que c'est le jour de la poste. Je vais bien et je suis en bonne santé. J'ai dû me battre corps à corps avec le gouverneur au sujet de la langue officielle de l'orphelinat. Les voilà, tes jeunes turcs. Regarde-les bien. Comment va ma Sophie ? Écrivez-le-moi rapidement. J'ai reçu vos lettres. Je n'ai pas le temps d'écrire davantage. À croire que nous sommes condamnés aux travaux forcés. Notre travail n'a pas de fin. Bien des baisers et des salutations à vous tous. Ma Sophie me manque beaucoup. Embrasse-la de ma part. Elle va commencer à écrire ses impressions, mais dans un état de désastre intérieur. On pourrait même parler de dépression. Et elle va publier en 1911, c'est-à-dire 2 ans après cet événement, un livre avec la Knoulmetsch, qu'on a traduit par Sur les ruines, que Ketchian a publié chez Phoebus Sur les ruines. Alors cet ouvrage a une forte particularité. C'est un reportage. Elle écrit ce qu'elle voit. Le sang n'est pas encore sec. Elle assiste à toutes sortes de crises, de scènes choquantes. Et le livre reste un champ d'espoir extraordinaire. Parce que dans le texte, elle donne la parole à un vieillard qui voit un monde qui s'effondre, qui voit un monde qui s'écroule. Vous savez, quelles que soient les situations dramatiques, quels que soient les génocides, lorsque les gens sont au bout de la détresse, ils ont tous la conviction qu'il ne peut rien arriver de pire ailleurs à d'autres. Ils sont au bout de ce qu'il peut arriver de pire. Et à la fin de l'ouvrage, elle redonne la parole à ce même vieillard qui reconstruit une vie et il sourit à la vie. Et c'est ce qui lui donne le sentiment que ce peuple est indestructible. Et c'est un champ d'espoir que les autorités turques ne lui pardonneront pas. Moi, j'ai travaillé longtemps sur la presse arménienne de Constantinople. Anaïde, termination. J'ai vu les premiers articles de Zabel, qui viendront plus tard ce fameux livre, bon, accompagné de photographies qui m'ont laissé totalement, qui m'ont littéralement brisé. Ce sont en particulier 2 photographies de petites filles, dont une blonde, autant qu'on puisse en juger sur un journal de temps de 1909. Et une petite fille avec un visage d'enfant de 8-9 ans peut-être, qui a été violée. Et là, dans ce texte-là, Zabel se mettent, enfin, est-ce qu'elles se, essayent de décrire l'horreur que cette petite gamine ou ces gamines ont pu vivre. Elle arrive à dépasser les limites de ce qu'on considère aujourd'hui comme indicible ou innommable. Dès le premier jour, on m'avait parlé d'une petite fille âgée de 8 ans qui avait été enlevée. Bien que l'on ne me l'eût pas encore désignée, je sentis que c'était elle. Dans son regard tourmenté, il y avait quelque chose de si inconsolable que je n'osais pas, timorée que j'étais, affronter l'apparition de cette nouvelle souffrance. Je ne pouvais concevoir l'histoire horrible, monstrueuse de cet enfant, que l'on m'avait pourtant racontée. Un jour enfin, on conduisit cette fillette auprès de moi, et je me retrouvai face à elle, embarrassée et confuse. Ce n'est que lorsque nous fûmes tout à fait seuls que j'ai levé les yeux vers elle, et lui tenant la main, j'ai longuement regardé son être chétif et tremblant, sans lui poser la moindre question. Il m'a semblé à ce moment-là qu'une quelconque allusion ou une simple manifestation de curiosité au sujet de son histoire aurait été aussi atroce qu'une complicité. Peu à peu, je compris que ce qui avait causé mon appréhension et ma répulsion était la discordance entre son corps d'enfant de 8 ans et l'expression de son visage. Très perturbé, je me sentis rongé par l'émotion. Ce livre, Dans les ruines, paraît en 1911 dans une maison d'édition à Constantinople, les éditions associatives arméniennes. Et alors je crois que suite à cette publication, cette maison d'édition disparaît. Oui, aussitôt après la publication du livre, l'association est dissoute sur décision de l'autorité administrative. Bon, ce serait un petit peu aujourd'hui l'équivalent d'une interdiction par arrêté préfectoral. L'ouvrage a été rédigé immédiatement après l'expérience à Adana. Raymond Kevorkian. Mais il n'a été publié qu'en 1911. Ça ne doit rien au hasard. Pendant 2 ans et demi environ, les cercles arméniens stambouliotes ont essayé de résoudre, si on peut dire, les effets des massacres de Cilicie, qui ont fait quand même à peu près 30 000 victimes, par la négociation directe avec les autorités. Le seul effet qu'il y a eu, c'est que le grand vizir, à l'automne 1909, a fini par publier une déclaration officielle qui indiquait que les Arméniens n'étaient pas responsables de leur propre massacre. C'est une formulation assez originale, mais qui est révélatrice. Il faut se rappeler qu'en milieu ottoman, un groupe dominé n'est pas habilité à demander des comptes. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est que mon ami Krikor Belodian l'a très bien souligné, c'est la première fois, je parle du texte de Zabel Yesayan, c'est la première fois qu'un membre d'un groupe minoritaire dresse un tel réquisitoire contre les autorités. Et de surcroît, il s'agit d'une femme. Bon. Au bout de 2 ans, en 1911, les espoirs sont définitivement déçus. Ce qui explique la publication du livre de Zabel Yesayan, mais également un ouvrage en français, un ouvrage en anglais, en arménien, qui mettent les preuves sur la table. Et notamment une preuve terrible qui montre que les autorités jeunes turques locales d'Adana ont été parmi les acteurs principaux de ces violences. Je dois vous dire que si elle publie ce livre en arménien à Constantinople, à la veille de la Première Guerre mondiale, à un moment où on peut encore le publier, elle n'ose pas tout dire dans ce livre. Léon Kétchéian. Et elle croit, avec toute sa naïveté, qu'elle peut se permettre de publier un additif à l'autre bout de la planète, aux États-Unis d'Amérique. Alors, qu'y a-t-il dans ces textes? Elle se rend très vite compte, parce qu'elle fréquente les officiels turcs, que l'enjeu réel du sort des orphelins, c'est leur turcisation. Il faut qu'ils apprennent le turc et qu'ils deviennent musulmans. Et ça, elle ne peut le supporter. Donc, elle va faire passer le message à Constantinople et à tous les gens susceptibles de l'écouter pour organiser des orphelinats arméniens, pour que ces enfants arméniens restent arméniens. C'est bien mal connaître l'organisation de l'administration ottomane qui en est avisée très vite. Pendant la courte période où elle a vécu avec son mari à Constantinople, elle est tombée enceinte. Elle va accoucher, revenir à Paris avec son petit garçon, ramener catastrophiquement à Istanbul parce que son père tombe malade et qu'il va mourir. Elle revient avec son gosse. Fin 1911, elle n'arrête pas d'ailleurs de bouger. Ça, c'est toute la vie de Zabel, c'est en déplacement continu. Elle va rester sur place de 1911 à 1914, 15. Et elle est le seul exemple, non seulement de femme, mais même, on pourrait dire, d'écrivain arménien qui arrive à vivre de sa plume. Parce que le père étant mort, elle reste en tête-à-tête avec sa mère, son fils. Son mari est resté à Paris, comme je vous ai dit, il ne contribue pas beaucoup à l'entretien d'un ménage qui, de toute façon, est distendu. Et c'est dans ces conditions-là qu'en 1915, dans la nuit du 11 au 24 avril, elle est la seule femme qui est sur les listes de recherche. C'est une des rares femmes à avoir été sur la liste des personnes recherchées dans le cadre de la grande rafle du 24 avril 1915. Léon Ketcheyan. Elle a écrit ses souvenirs consacrés à Ardachès Aroutchounian et elle rapporte aussi sa propre expérience. D'ailleurs, je vais vous en lire quelques lignes, vous apprécierez vous-même. Le visage décomposé, ma mère entra dans la chambre, suivie d'une vieille femme chétive qui, sous son voile noir, me regardait avec une douleur et un effroi indescriptibles. Je me suis préparé rapidement et en silence, et je suis parti par le jardin. N'importe quel hasard pouvait me livrer à l'ennemi, n'importe quel coin de rue pouvait me mettre face à face avec des informateurs ou des policiers. Et elle rejoint Ardachès Aroutchounian, qui est également poète, et elle écrit « Pour ne pas rester sans livre en cas d'arrestation, j'avais pris le trésor des humbles et mon ami, une Bible. Ils s'en vont. Ils vont franchir des collines. Ils vont finir par se séparer. Ardachès Aroutchounian sera arrêté, torturé et marchera vers la mort. » Il faut essayer d'imaginer ce qu'elle a pu ressentir en voyant tout son entourage, ses plus proches, disparaître. Elle sait très bien à quoi ils sont menés à la mort, bien entendu. À partir de ce jour-là, elle ne dort plus jamais deux jours de suite dans le même lit. Financièrement, elle va être soutenue par la caisse de solidarité des instituteurs arméniens. Elle va bénéficier d'un soutien matériel important. Tu ne peux pas imaginer par quels états je suis passée. J'allais d'une maison à l'autre, toujours cachée, c'en était trop. Je te raconterai l'ensemble un jour, quand nous nous verrons. Je voudrais seulement te dire ceci. La photo de Sophie, celle que tu m'as envoyée récemment, m'a sauvée au moment le plus critique. Quand on m'a demandé pourquoi je désirais partir, j'ai répondu que j'allais à Plovdiv chercher ma fille et rentrer avec elle. On m'a alors demandé de prouver que j'avais bien une fille. Comment pouvais-je m'y prendre sans dévoiler mon identité? Et soudain, j'ai eu une inspiration. La photo était dans mon sac. Je l'ai sortie et je l'ai montrée à l'employé. Il a regardé la photo, il m'a regardée, et il semble qu'il ait discerné quelques ressemblances. Et c'était fait. J'ai dû marcher sur des épines pour m'échapper de ce maudit pays. Quelle émotion quand j'ai vu les Bulgares pour la première fois. Elle va pouvoir franchir la frontière et se réfugier en Bulgarie. Et là, elle va écrire ses souvenirs de vie dans la clandestinité, elle va les publier dans un journal local. Et alors que dans la langue arménienne, la distinction du genre n'existe pas, eh bien, elle se présente avec un prénom qui fait d'elle un homme. Alors c'est important parce que si cela n'avait pas été le cas, elle aurait été identifiée très vite. Et elle gagne le Caucase. Et au Caucase, la ville la plus arménienne, la plus brillante, c'est pas Yerevan, la capitale actuelle, c'est Tiflis, en Géorgie. Et elle gagne Tiflis, où il y a un bureau national, Askain Bureau, très très impliqué dans les affaires arméniennes, surtout à partir de 1912, impliqué dans la renaissance par la Russie de ce qu'on a appelé la question arménienne. Et là, à Tiflis, elle raconte ce qu'elle a vécu elle-même. Et toujours traînant son garçon, qu'elle confie d'ailleurs à des mains amies à droite à gauche. Ce gosse de 5 à 7, 8 ans va comme ça traîner dans toute la Transcaucasie. Elle va dans des villes où il y a des Arméniens. Elle va à Rostov-sur-le-Don, qui est une ville à l'époque d'intellectuels arméniens. Elle va à Petrograd, elle va à Moscou. Elle essaye un peu partout d'alarmer non seulement les communautés arméniennes, mais d'alarmer les autorités russes qui sont en guerre contre la Turquie. Mais ces Turcs et ces Russes sont face à face dans ce que j'appelle l'échiquier arménien, c'est-à-dire sur le territoire de l'Arménie historique, où va se passer le désastre de la déportation des Arméniens et les massacres des Arméniens au cours de ces déportations qui constituent le fondement même du génocide. Aïk Toroyan, Zabel Essayan, L'agonie d'un peuple. Ce n'était pas par centaines, c'était par milliers que l'on voyait les restes de squelettes humains éparpillés dans les sables du désert. L'histoire des cadavres était hallucinante, difficile à croire. Une foule de déportés qu'on avait fait marcher par des chemins détournés pour les épuiser tant et plus, affamés, la langue pendante sous le soleil brûlant du désert, dévalisés, nus ou à demi-nus, avaient été conduits jusqu'à cette étendue de sable, et le fusil à la main, on les avait empêchés de s'approcher de l'eau pour étancher leur soif. Ils étaient à 30 pas du fleuve, oui. Ils entendaient le glou-glou de l'eau. Ils devenaient fous à cause de la soif. Et ils sont tombés ainsi, tous, l'un après l'autre, en quelques jours. Les Arméniens vont mettre en place, sous l'autorité de la Fédération révolutionnaire arménienne, également connue sous le nom de Parti socialiste arménien, une structure, à ma connaissance, la première du genre, qui s'appellera Mémorial. Et cette structure est chargée essentiellement de recueillir des témoignages. Et c'est d'autant plus important qu'à cette époque-là, la filmographie est extrêmement limitée, quoi. Alors, il y a bien sûr les photos, mais on fait la chasse aux témoignages pour recueillir tous les éléments probants concernant ces crimes de masse. Alors, elle écrit, elle ne cesse pas d'écrire, pour recueillir tout ce qui peut l'être, pour archiver tout ce qui doit l'être. Nous fûmes saisis de terreur et d'épouvante. C'était donc bien vrai. Les cadavres descendaient au fil du courant, par groupes de 5 ou de 10, liés les uns aux autres par les mains ou par les pieds. Rares étaient ceux qui se retrouvaient seuls, eux aussi cependant les mains ou les pieds attachés. Parmi eux, on voyait aussi des cadavres de femmes. Chacune d'elles avait un enfant attaché sous les bras ou entre les jambes. Les femmes étaient entièrement nues et jeunes. L'agonie d'un peuple, c'est le témoignage de Aïk Toroyan qui a été transcrit par Zabel Essayan. Et j'arrive vraiment à la comprendre quand elle dit « Mes nerfs sont soumis à rude épreuve ». On sombre dans l'horreur à chaque page. Aïk Toroyan, qui est un Arménien de Diyarbakir, dirions-nous aujourd'hui, qui a connu des aventures terribles, mais qui s'en est toujours tiré, qui a eu la chance d'avoir un protecteur dans la personne d'un Allemand, travaillant en Perse, on disait pas l'Iran à l'époque, en Perse à Tabriz, et de Perse, cet Allemand disparaît, se suicide parce qu'il ne peut plus supporter les horreurs auxquelles il a assisté en voyant les cadavres, les femmes, les enfants mourant, les ossements, toute une série d'horreurs que cet Allemand ne supporte pas. Mais en l'accompagnant, Toroyan réussit à gagner Bakou. Et c'est à Bakou qu'a lieu la rencontre fondamentale entre les deux. Alors, elle recueille le témoignage de Toroyan. Ce Toroyan n'est pas un écrivain. Zabel se fait la plume de Toroyan et elle signe ce texte. Elle se permet juste de donner une forme écrite, littéraire, à des témoignages. Raymond Kevorkian. En fait, Zabel Essayan, une fois établie au Caucase, va constituer, avec un ami proche, également écrivain, Ovanes Toumanian, un autre corpus très important de témoignages donc, qui sont maintenant aux Archives nationales d'Arménie. Ce corpus considérable qui a été collecté auprès de rescapés parvenus en Arménie du Caucase, il révèle surtout des intellectuels conscients de leurs responsabilités, mais aussi déjà soucieux d'instaurer un corpus documentaire pour pouvoir justifier ce crime une fois la guerre achevée. Puis elle va gagner Téhéran, toujours avec son fils, en emportant avec elle quelques 600 ou 700 documents. Anaïde, termination. Avec l'objectif de ramener tout cela en Europe. On est fin de l'année 1918, la guerre s'achève en Europe et en Orient, et elle bénéficie de protections suffisantes pour pouvoir gagner dans des conditions hallucinantes l'Europe, où elle arrive à Paris avec l'objectif de la conférence de paix qui se réunit à Paris. Et Zabel est là pour apporter des documents, elle sait très bien le français, pour écrire des textes. C'est comme ça d'ailleurs qu'elle se présente comme la traductrice des mémoires d'une déportée arménienne de Palazzo Captanian, où elle raconte son odyssée de Samsoun, dont elle part, son mari est immédiatement massacré, ses enfants sont confiés à une famille grecque, elle-même est enceinte de son mari, elle finira par accoucher d'un garçon à Alep en ayant traversé tous les mouroirs, toutes les horreurs possibles et imaginables, les femmes éviscérées, les enfants guillotinés, les têtes coupées, etc. Bon, elle fait dire à cette Palazzo Captanian, où Palazzo Captanian exprime des idées qui me paraissent quand même un peu trop élaboré de la part d'une femme qui vient de subir les pires horreurs. Quelques femmes furent dépouillées de leurs habits et fouillées jusque dans les linges les plus intimes. Mon tour arrive. Mon cœur battait. Ils m'ordonnent de me dévêtir. Effendi, leur dis-je, en leur présentant la pièce d'une main et un collier en or de l'autre, c'est tout ce que je possède. Pour éviter les attouchements de ces brutes, je leur donnai le collier, un souvenir de mon père. Je n'avais que trop lieu de m'apercevoir quel était le triste sort de ceux qui étaient sans argent. Elle montre comment, aussi longtemps qu'on avait un peu d'argent, ben on pouvait obtenir un peu d'eau, un peu de pain. Donc il y a des riches et des pauvres dans ces déportations. Des différences psychologiques dans la résistance à la déportation. On découvre à travers ce texte, en tous les cas, c'est comme ça que j'en ai fait la lecture, que les femmes cultivées, les filles, comme on dit, de bonne famille, qui ont reçu une éducation, qui sont à l'école, fléchissent, sont moins aptes à résister à la persécution, se laisseront enlever peut-être plus facilement pour vivre, pour survivre. Celles qui tiennent le mieux, ce sont les paysannes. D'abord parce qu'elles sont habituées à la vie rude, disons, de vivre dans la nature, de marcher pieds nus, etc., etc., au milieu des caillasses, etc. Enfin, elle arrive à donner une image, un visage aux femmes face à la persécution. Car il y a quelque chose d'autre dans l'arrière-plan de tout ça, c'est l'extrême misère et l'extrême frustration des populations musulmanes de l'Empire ottoman, population rencontrée par ces femmes au cours de leur périple qui vont de la mer Noire jusqu'au désert mésopotamien, à distance de près de 2000 kilomètres, avec des déserts, des montagnes, des fleuves, etc. Et on le voit, la façon dont les femmes, les enfants, les cadavres sont dépouillés de leurs vêtements. Dans un texte que j'avais publié dans Nos terres d'enfance, il y a une jeune fille en train de mourir. Et puis apparaît une femme kurde qui se précipite sur cette femme qui est en train de mourir et qui cherche dans ses vêtements et qui trouve une aiguille à coudre, et qui s'en empare et qui l'emporte. Ça vous montre à quel point il existe une pauvreté, il existe une sorte de lutte de classe, bien que ce ne soit pas très admis de donner cette explication-là. Vaetagian. Il y a eu un débat après la guerre sur le sort de ces femmes qui, d'une manière ou d'une autre, avaient eu une vie tourmentée pendant le génocide, ou bien elles ont eu des amants musulmans, turcs, kurdes ou arabes, ou bien ils ont été obligés de marier ces mêmes personnes. même donner naissance à des enfants. Donc les cas sont très hétérogènes. Et c'est dans ces conditions-là qu'en 1919, Zabel Essayan, elle a écrit un mémoire envoyé à Boros Nubar, donc le président de la délégation arménienne siégeant à Paris, dans lequel Zabel Essayan a parfaitement saisi tous les enjeux sociaux, humanitaires de cette question. Elle explique que certaines de ces femmes ne souhaitent pas quitter leurs époux musulmans pour différentes raisons. Et voilà les raisons qu'elle cite. Je lis. Elles ont été achetées ou délivrées des mains des gendarmes par des musulmans paisibles qui leur ont assuré une vie relativement supportable. Ces femmes ont par conséquent un sentiment de gratitude pour ceux qui les ont sauvées d'une situation terrible. Elles ont perdu toute leur famille et se trouvent devant un avenir incertain. Elles ont des enfants de leur mari musulman. Elles ne veulent pas les abandonner. Elles ont honte de retourner parmi leurs concitoyens après avoir subi pareil déshonneur. Quelques-unes, au contraire, ont perdu tout sentiment d'honneur et tout sens moral. Elles ne sont pas sûres de la sécurité du pays. Pour redonner courage, soutenir le moral de cette catégorie de femmes et résoudre les cas trop compliqués avec équité, humanité et avec calme, il est nécessaire de former des commissions de femmes qui s'occuperaient spécialement d'elles. À partir de 1920, c'est toute une série de désastres. Zabel va en Cilicie, au sud de la Turquie, au sud de l'Asie mineure, à un moment où les Français ont un mandat sur la Cilicie. Elle va là-bas. En 1920, on l'envoie à nouveau donc en Cilicie pour s'occuper donc d'un grand orphelinat qui très vite va devenir un enjeu politique entre les puissances. Les forces militaires turques dirigées par Mustafa Kemal avaient déjà commencé à attaquer cette région de la Cilicie et la France, ou bien les forces militaires françaises, étaient en recul. Dans ces conditions-là, le sort des orphelinats était devenu quelque chose de très important à cette époque-là. Les enfants symbolisaient le renouveau, la résurrection. Il fallait redonner une éducation arménienne à tous ces enfants. Il fallait qu'ils reparlent arménien pour reconstruire cette identité arménienne, donc donner la preuve au monde entier que cette nation existe toujours. Il y avait une orphelinat à Adana qui était administrée par une organisation arménienne d'Égypte. Et en tant qu'inspectrice de tous les orphelinats arméniens, finalement, Zabel Essayan a décidé de céder cet orphelinat aux autorités françaises de Cilicie. Et cet orphelinat qui auparavant était arménien, donc le voir passer sous le contrôle français, était en quelque sorte très offensif pour beaucoup de dirigeants arméniennes. Oui, d'ailleurs, elle quitte ses fonctions assez rapidement en juin 1920. Justement, oui. C'était une décision catégorique qu'elle a prise parce qu'elle était sûre et certaine que lorsque les troupes nationalistes turques allaient arriver en Cilicie, la situation des enfants dans les orphelinats arméniens devait être très aggravée. Dans les replis de ma mémoire s'ouvrent des portes closes et des moments enfuis se raniment. Une parole, un geste oublié, un regard de mon père et des détails de la vie quotidienne, disparus et oubliés depuis longtemps, reprennent vie et me transmettent la joie ou la tristesse qu'ils portent en eux, plus qu'ils ne visitent ma mémoire. C'était une longue suite interminable de notes égales qui se précipiteraient, haletantes, et se dissiperaient dans une suite d'accents plus ou moins pénétrants, et cela sans fin, sans fin. Ce qui m'intéresse, moi, du point de vue littéraire de la carrière de Zabel, c'est qu'elle va, au milieu du désastre qui l'entoure, écrire un de ses plus beaux textes, qui est « Hokisak Solial » en arménien, « Mon âme en exil ». Cette âme en exil, elle évoque, enfin c'est un roman, un court roman, un roman psychologique, il n'y a pas d'action, il n'y a que des gens qui se rencontrent, des impressions, elle ressuscite ses souvenirs d'enfance ou de jeunesse à Constantinople. Mon âme en exil, c'est un récit très autobiographique. Lara Aharonian. Parce qu'elle parle de vraiment ce sentiment d'aliénation, du fait qu'elle ne trouve pas sa place dans la société. Il y a quelque chose qui a été coupé dans sa vie, comme un schisme qu'elle a vécu et qu'elle n'arrive pas à faire le lien entre le passé et le présent. une soif soudaine de gloire, des élans d'espérance et le découragement. Voilà ce qu'est ma vie. Pourquoi ne suis-je pas comme les autres femmes ? D'où m'est venu ce goût de l'inaccessible qui me jette sempiternellement dans le trouble et la fièvre ? À un moment, elle est amenée à faire un choix. Elle se trouve à Paris à ce moment-là. Est-ce qu'elle doit donc rejoindre l'Arménie qui vient de rentrer dans le cadre soviétique ou s'installer dans cette diaspora naissante, en particulier en France ? Elle a fait le choix d'aller en Arménie soviétique. Elle était consciente, bien entendu, des problèmes politiques qui se posaient en Arménie soviétique, mais elle a dû aussi se dire qu'elle servirait mieux en étant là-bas qu'en se retrouvant dans un statut de réfugié misérable en France. Les raisons qui ont dicté cette conduite, à mon avis, c'est essentiellement fait de désespoir, de voir tous ses échecs. Elle vit certainement une véritable révolution psychologique qui, en même temps, coïncide avec le développement de la Troisième Internationale, les espoirs nés du mouvement communiste bolchevique, et elle va se persuader petit à petit que la solution, c'est là. Et elle va entièrement se mettre au service d'un mouvement qui s'appelle le HOG, qui veut dire en français le mouvement d'aide à l'Arménie, mais qui est un mouvement qui est piloté à partir de Yerevan, qui est la capitale donc de cette petite Arménie indépendante soviétisée à la fin de l'année 1920. Et finalement, en 1926, elle est invitée en Arménie. Elle y va. Et quand elle est arrivée en 1926 à peu près, c'est là qu'elle a sa décision a été faite en fait pour trouver un endroit où elle peut vivre son identité en tant qu'arménienne, en tant qu'écrivaine surtout. En tant que femme, elle a été sensible quand même au fait que les femmes ont trouvé leur place dans cette société, qu'en principe elles ne doivent pas être battues. Elle découvre que les femmes ont des responsabilités, qu'il existe dans le parti une section féminine. Toujours est-il qu'en 1933, elle et quelques-uns d'autres bénéficient d'un appel d'air de l'Arménie soviétique. On est en 1933 et elle va obtenir ce qu'elle attendait, c'est-à-dire le statut d'une femme écrivain. Et c'est dans cette atmosphère de tension qui commence à apparaître en Arménie que Zabel reçoit, non pas l'ordre, mais reçoit une proposition. Et c'est ainsi qu'en 1935, elle publie un livre de nature autobiographique qui est « Les jardins de Silidal » où on retrouve cette odeur de la confiture de rose, toute son enfance, ce dialogue extraordinaire qu'elle a avec elle-même et puis cette écriture moderne. Je me souviens des matins de printemps où l'immense parc que formaient les jardins de Silidar se transformait en flamboyante roseraie. Je me souviens des glycines qui descendaient lourdement et cachaient d'à tours superbes la misère de maisons délabrées. Ces jardins, je les ai emportés partout avec moi. Et je m'y suis réfugié chaque fois que des nuages noirs ont assombri mon horizon. À partir de là, on va aller de complication en complication. Les correspondances de Zabel Yessayan sont surveillées. D'autant que, à l'occasion d'un débat au siège de l'Union des écrivains, elle a pris position fortement et fermement en faveur d'Axel Bakounz, un écrivain persécuté. Et Zabel Yessayan va être arrêtée à son tour. Le piège s'est refermé derrière elle. On a longtemps cru qu'elle avait fini en Sibérie. En fait, la vérité, c'est qu'on ne sait pas. Elle a d'abord été détenue longuement en prison dans la capitale de l'Arménie, à Yerevan. Ensuite, elle a été transférée dans une prison de Bakou, en Azerbaïdjan. Et là, ses traces disparaissent. Elle aurait dû être embarquée à bord d'un bateau pour être transférée dans les camps en Asie centrale, de l'autre côté de la mer Caspienne. Il est extrêmement vraisemblable qu'elle est partie et qu'elle n'est jamais arrivée. Zabel Yessayan disparaît sur le chemin du Goulag, en 1943. Et à partir de là, sa fille va se livrer à une activité ininterrompue et constante pour faire réhabiliter sa mère dès le lendemain de la mort de Staline en 1953, parce qu'elle a été accusée d'un certain nombre de choses, y compris d'être un agent spécial à la solde des services de renseignement français. Et j'ai omis de vous dire qu'elle avait même été recherchée par la police française de l'occupation pendant la guerre, après son départ en Arménie. Eh bien, la vérité, c'est qu'on lui a fait signer des aveux. Les procès-verbaux sont en russe, une langue dont elle ignore tout, dont elle ne connaît même pas l'alphabet. Bon, on lui a demandé de signer, elle a signé. Elle sera réhabilitée après la mort de Staline au moment du dégel de Khrouchtchev en 1956, ce qui permettra à ses enfants qui sont en Arménie sans doute d'obtenir un appartement, etc. Parce qu'être fils ou fille de quelqu'un qui a été arrêté, condamné à mort ou même envoyé en prison en Azerbaïdjan, c'est une horreur déjà. Et on commencera en Arménie dans les années 60, vous voyez, il a fallu du temps à republier les œuvres de Zabel Essayan là-bas. Merci à Naïd Termination, Lara Aharonian, Raymond Kevorkian, Léon Ketcheyan, Vahet Agian. Texte lu par Hélène Losseur. Prise de son, Christophe Goudin, Georges Thau, Cédric Châtelus. Mixage, Nicolas Slimani. Zabel Essayan, Vivre et écrire la catastrophe. Un documentaire de Nathalie Lempereur et Chante Marjanian, réalisé par Séverine Cassard. Demain, nous continuons et nous terminons notre série de documentaires en nouvelle diffusion consacrée à des figures rares et surprenantes du XXe siècle. Nous vous parlerons du Roubaixien Mamadou Ndiaye.